Bon, alors on finit par se mettre en ménage. Puis après, c'est le quotidien, n'est-ce pas, qui arrive. Les courses, par exemple. Moi, je sais pas vous, mais je n'ai jamais de chance aux courses. Donc j'ai fait une chanson sur mes courses. Mes emplettes faites en vitesse, quand enfin j'arrive à la caisse, j'y peux rien, c'est le destin, je suis toujours dans la mauvaise file. Attendant au guichet de la gare, quand mon train est sur le départ, j'y peux rien, c'est le destin, je suis toujours dans la mauvaise file. Impatiente sur plusieurs lignes d'attente, j'y peux rien, c'est le destin, je suis toujours dans la mauvaise file. Immatriculer ma voiture, j'y peux rien, c'est le destin, je suis toujours dans la mauvaise file. Et ses amants, j'espère bien que le destin me mettra dans la mauvaise file.